que la yama pourrait desserrer des chaînes, mais pas resserrer les plaies, déceler rester. Pas dans mes plats, j'ai testé les ténèbres. Ambiance bof, j'ai préféré faire reset. Comment discerner l'Eden, disséquer mes 16. Mauvaise habitude en répit comme une snare. Je m'inquiète, elle est pas comme une certe. Quand je vois mon ombre, là je trace comme une chaîne. T'es des du propre depuis mes 17. Scrète comme un kiss, des kiss, des kiss, dissèque mes 17. La mine est givrée, hystérique, qui se teste, des qui testent. Hey, hey, j'ai pas comme mission de faire taire. C'est type ou d'être hermétique, je vais serre des vers, c'est clean. L'hémisphère éterne, c'est triste, ce mystère est perceptible. Des souvenirs dans un coffre enterré. Le reste demeure désintégré. À quoi bon craquer si mon âme se fait interner? Blessure interne, je recherche la paix intérieure. Double O et K et la rafale au mic. Y'aura pas dommage, Icomat c'est comment, no comment, comment. Flow pas comment, j'prends les commandes, y'en a pas de com. Assillonner les cieux sur mon nuage, vois tout ici passer. Rue des carrés sur la terre, j'ai les claves et claves. J'm'y garde la haine tout en cherchant la serrure. Hey, hey, t'es pas la frais, pas la frais, pas la frais. C'est pas la fête, voilà, et c'est pas que t'as dans le cœur. Tant de peur, mais j'm'adapte, centraliste. De voilà, c'est règle, arrive, ça m'agace. Assillonner les cieux sur mon nuage, vois tout ici passer. Rue des carrés sur la terre, j'ai les claves et claves. J'm'y garde la haine tout en cherchant la serrure. Hey, hey, t'es pas la frais, pas la frais, pas la frais. C'est pas la fête, voilà, et c'est pas que t'as dans le cœur. Tant de peur, mais j'm'adapte, centraliste. De voilà, c'est règle, arrive, ça m'agace. J'en vis pas les blacklistés de l'Eden. Qui kill pour des intérêts, des faf. Je me suis tu perds à pister mes rêves. Tu piches, il me reste qu'à enterrer l'espoir. Comment j'ai holocalisé le mal, j'entends qui est le best. Blessé, j'ai des blesses, fait blesses, laisse bête. J'étais stress sous l'effet de cette merde et l'effet se répète. Out to get out de cette prison mentale. Je vois que tout est dark et ma vision me rembarche. Bien sûr qu'il y a des forces obscures qui vivent, donc je fais l'effort de rester sur le qui vive. Bon, je dis de mon âme, je de la chimie, le sommeil a chômé. Je pose même le soleil à chômé. Le cœur est glacial, les cœurs et de la vida. J'ai mixé mes peurs et la syllabe. Bloqué dans la spirale, ouais, je trouve ça bizarre. J'y vrai, j'y perds dans les profondeurs abyssales. Y'a mon qui en laisse, le démon est en stage. Donc dis-moi qui m'embête, je veux démoncer en wham. L'autre a misé sur l'évanescence. Fucked up depuis ma naissance, en convalescence. Rien que je combat mes sens. M'a dit que t'as Cooper Field. On m'a dit t'as trop de peur, feel. Auteur chill, cooker dream. Écoute, écoute le 10. J'rappe pour mes Cooper cheat. Ooh, yeah. J'ai mixé la mer, tu mets l'inspi en speed. Ça m'incite à viser le cocktail. L'élan, je le chope au bord de la falaise. Affalé, à créer goddamn. Assillonner les cieux sur mon nuage. Vois tout ici passer. Rue des carrés sur la terre. J'ai les claves éclavées. J'm'y garde la haine tout en cherchant la serrure. Hey, hey, t'es pas la frais, pas la frais, pas la frais. C'est pas la fête, voilà. C'est pas que t'as dans le cœur, tant de peur, mais je m'adapte, centraliste, voilà, c'est règle, arrive, ça m'agace. Assillonner les cieux sur mon nuage, je vois tout ici passer. Rue des carrés sur la terre, j'ai les claves éclavées. Je m'écarte de la haine tout en cherchant la serrure. Hey, hey, t'es pas la frais, pas la frais, pas la frais. C'est pas la fête, voilà, et c'est pas que t'as dans le cœur, tant de peur, mais je m'adapte, centraliste, voilà, c'est règle, arrive, ça m'agace.